Ce chant, c'est une lueur d'espoir, une image dans le temps. Il n'est jamais trop tard pour oublier que l'on existe, pour effacer les âmes tristes, pour se rappeler ce dont on ne se souvient pas, ce qu'on a préféré laisser bien caché au fond de soi, et rechercher cette flamme qui nous permet de vivre, celle qui nous permet d'aimer, juste avant de partir. Vivre nos futurs ou bien partir loin d'ici. Que reste-t-il de ces heures à sauver des vies? J'aimerais connaître mes erreurs, mais je n'ai plus le temps à ça. Espérer une lueur, mais au fond pourquoi avons-nous jamais cru un jour pouvoir changer le monde autour de nous? Jamais cru une fois pouvoir penser à ce que voulait dire espérer. Mais on n'a jamais temps, on n'est jamais roi, jamais content, jamais. Mais pourquoi, pourquoi vouloir toujours tout se dire? Pourquoi vouloir parler d'avenir? Longtemps j'ai cru que tout pouvait changer, que même un fou pouvait s'en aller. Mais on n'a plus droit, on est tous frères et l'on n'est plus rien dans cette affaire. Avant de partir, j'aimerais pouvoir vous dire ne plus y revenir, se regarder dans une glace et ne même plus voir que rien n'y passe. On a bien changé, les yeux ouverts, hallucinés, mais le sang coule encore ici. Jamais un monde sourd n'a sauvé de vie, si ce n'est celle de celui qui attend que son propre sort soit scellé à temps. Mais on attend, cru bon de rester, ne serait-ce qu'un pion du damier où il n'est que noir et blanc, où cette ombre cache les sentiments. Mais il est temps pour moi de partir, je ne garderai qu'un souvenir de ce monde où il fait si bon se poser simple question. Juste avant de partir, j'aimerais pouvoir vous dire, juste avant de partir, ne plus y revenir.